9B. 1. Bonjour messieurs, est-ce que je peux vous poser une question? C'est pour Radio Villefranche. Quels sont d'après vous les plus gros problèmes à Villefranche? Pour moi, le plus gros problème à Villefranche, c'est le quartier des Myrtilles. J'y habite et je vois bien que la mairie ne fait rien pour ce quartier. Tout est délabré dans ce quartier, tout tombe en ruine. Un exemple? Les jeunes n'ont pas d'espace de jeu en bonne condition. Ils jouent au foot sur un vieux terrain abandonné. 2. Et vous? Eh bien, je crois que le problème le plus important à résoudre, c'est la pollution. La mairie est en train de construire une décharge publique avec un incinérateur. Eh bien, je le dis haut et fort, on n'en veut pas. 3. Bonjour, messieurs, dames. Est-ce que je peux vous poser une question? C'est pour Radio Villefranche. Quels sont, à votre avis, les plus gros problèmes à Villefranche? Ben moi, à mon avis, le vrai problème à Villefranche, c'est le manque d'activité culturelle. Je suis à la retraite et je m'ennuie toute seule chez moi. Il faudrait organiser plus d'activités pour les personnes âgées. Un lieu où se retrouver entre personnes âgées pour jouer aux cartes, lire, prendre un café, parler. Il faudrait proposer des ateliers pour les retraités. On s'ennuie à Villefranche quand on est vieux. 4. Et vous, monsieur, qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, sans hésiter, je crois qu'il est prioritaire de résoudre les problèmes de circulation. Il y a toujours des embouteillages au centre-ville. Il n'y a qu'un seul parking public et beaucoup de problèmes de stationnement. Je crois qu'il faudrait construire un petit périphérique et interdire les voitures au centre-ville. 5. Bonjour mesdames, est-ce que je peux vous poser une question? C'est pour Radio Villefranche. Quels sont d'après vous les plus gros problèmes à Villefranche? Alors moi, personnellement, je crois que le problème le plus grave à Villefranche, c'est la sécurité. Où sont les agents de police quand il se passe quelque chose? La violence augmente et les effectifs de police sont les mêmes. Il faut plus de vigilance policière. Voilà ce que je pense, moi, madame. 6. Pour moi, le plus urgent, c'est d'améliorer les services de déneigement. Chaque année, je reste bloquée chez moi à cause de la neige. L'année dernière, j'ai attendu 3 jours le déblayage de la neige dans ma rue. 3 jours bloqués chez moi, sans pouvoir sortir. C'est un scandale! Et que fait la mairie?